Bonsoir Nicolas Bonsoir à Morin, tous. à qui on Merci. A contacté il y a une petite quinzaine de minutes sur Twitter. Donc, alors, journaliste France 3. Ben, merci beaucoup déjà d'avoir à cette heure-ci d'être disponible. C'est pas. J'ai un petit break dans un recadre. Oui, ça y est, là, c'est ma mi-temps à moi. Après cette journée un petit peu folle. Donc, journaliste à France 3 Aquitaine, évidemment. Oui. La journée d'hier. Déjà en conférence de presse hier, ça devait être un petit peu jolco. Je suppose que vous étiez dans la salle. Alors non, pour simple raison que j'ai terminé mes vacances hier. Ah. J'ai bien tombé parce qu'en fait je travaillais dimanche dernier, mais comme ils ont perdu, j'ai repris quelques jours de vacances histoire de voir que c'est pas moi le chat noir. Et j'ai vu ça quasi en direct après derrière. Surpris oui et non. Parce que déjà, ce que j'avais entendu de Poyet et vu depuis la reprise de l'entraînement était quand même offensif. Alors, on va pas revenir sur les épisodes que vous avez développés, mais même après le match de Strasbourg, il a quand même lâché une petite phrase à la fin de sa conférence de presse en disant que de toute façon, il était seul dans le club. C'est une petite phrase qui nous a échappé sur le coup, mais après, qui prenait tout son sens. Je pense qu'honnêtement, je pense qu'il attendait l'occasion d'aller au clash. Il l'a trouvé avec le Calaborde. Je dis pas que c'est prémédité, mais je dis qu'il savait très bien ce qu'il faisait, ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire. Alors que le coup de colère, oui, mais connaissant un peu Poyet et sachant comment il fonctionne et comment il a fonctionné partout où il est passé, je pense qu'il a eu le ras-le-bol et qu'il avait préparé sa sortie. Après, sur le fond, je dis pas qu'il a tort, hein, je dis simplement que le côté coup de gueule, j'en ai marre, j'y crois pas. Je pense qu'il savait très bien depuis quelques jours. Il savait très bien que le recrutement lui échappait, il savait très bien que plein de choses sur lesquelles il n'était pas consulté, il savait aussi très bien que les joueurs qu'il souhaitait avoir, Bordeaux ne les prenait pas pour X raisons sur lesquelles on pourra revenir peut-être après. Donc voilà, le Calaborde était l'occasion pour lui idéal de pousser son coup de gueule terrible et d'être viré, mis à pied pour l'instant et viré après dans la foulée. Donc c'était son intention, Claire. Je ne sais pas si c'était son intention d'être viré, ce qui est sûr, c'était son intention d'aller au clash de manière définitive et publique, parce qu'il y avait plein de choses qu'il supportait plus et qu'il supportait pas. À tort ou à raison, encore une fois, hein, parce que dans ce genre de clash, il y a toujours des torts des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est vraiment saisi l'occasion Laborde, alors qu'il savait très bien qu'il allait partir. Ce qui est quand même étonnant dans cette histoire Laborde, c'est qu'il ne voulait pas de ce joueur. Il a beau dire ce qu'il veut, il n'a jamais fait confiance, et quand il est arrivé, il a toujours dit que c'était un joueur qui courait partout, sur les côtés, il voulait simplement un joueur axial, qui n'était pas le profil de Gaëtan. Laborde, je veux dire, il n'en a pas fait un titulaire. Quand il joue avec Sankaré seul en pointe, alors qu'il a Laborde de Préville sur le banc, il considère pas Laborde comme un titulaire en puissance. Donc dire qu'il voulait pas que Laborde s'en aille, je pense qu'il joue un peu sur les mots. Il voulait pas qu'il s'en aille là pour son match-là, c'est possible. Mais il voulait qu'il s'en aille, c'est évident. Alors parce moi, qu'il voulait prendre des joueurs à lui. Sur la conférence, moi, ce que je comprends surtout, c'est qu'il voulait une recrue avant que Laborde parte. C'est plutôt ça que je comprends. Je pense qu'il voulait une recrue de son cercle, de ses agents, oui, qui travaillent avec lui depuis des années. Je pense que c'est voilà. Morelos qui voulait... Je pense que pour aller au bout de la logique, je serais pas étonné que le clash de Poyet ait derrière un arrière-goût de transfert avec ses amis agents et des joueurs qui sont son équipe d'agents. J'ai vu passer ça sur Twitter, Gérard aurait dit que l'offre reçue par les joueurs de Bordeaux était irrespectueuse. Gérard avait dit que l'offre était irrespectueuse. Est-ce que Poyet n'aurait pas appris que Bordeaux avait fait une semi-offre en mode ok, on te fait l'offre pour te faire croire qu'on a fait une offre, mais en fait on sait très bien qu'elle sera refusée? Non, je crois pas à ça, moi. J'y crois pas parce que c'est l'intérêt de personne de chercher de jouer double jeu dans le dos d'un entraîneur ou dans le dos du dirigeant sur la même cible sur le marché des transferts. C'est pas possible. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est aller volontairement se pourrir une situation qui est déjà bien lourde. Je pense pas que l'intention des dirigeants des Girondins, c'était de mettre Poyet à la faute pour qu'il la saisisse. Je crois pas. J'ai du mal à croire que les Girondins fassent une offre, non pas qu'elle soit jugée ridicule par Gazo Rangers, loin de là, mais que les Girondins fassent une offre qui aille à l'opposé de celle qu'aurait fait Gustavo Poyet. J'y crois pas un quart de seconde. Je dis que Gustavo Poyet ait eu envie d'avoir le joueur, oui. Que ce joueur-là travaille avec les agents de Poyet, oui, évidemment. Mais ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui fonctionnent comme ça. Qu'il ait envie d'avoir les joueurs de ses agents avec lui, oui, aussi, évidemment. Mais je vois pas Bordeaux faire une offre d'un million de livres ou d'un million d'euros pour Morelos et Poyet dire c'est pas assez. Donc j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. C'est pas possible. Dans ces cas-là, les dirigeants bordelais, comme de n'importe quel club, disent bah non, nous, ce joueur-là, on n'en veut pas. Voilà. Ils vont pas faire une offre volontairement basse pour qu'après le joueur soit considéré comme défavorisé et qu'il ne vienne pas dans ce club-là. Moi, j'y crois pas un quart de seconde à ce genre de pratique. Ça dessert tout le monde, y compris l'image d'un club, sur la scène internationale, en termes de recrutement. On a quand même le sentiment, enfin autour de la table depuis 8 heures ce soir, on débat et puis voilà, on a différents intervenants, mais moi j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une espèce d'imbroglio, de brouillard où on ne sait pas trop qui dit la vérité, qui ne la dit pas. Je pense que des deux côtés, ça doit tirer la couverture un petit peu pour s'en sortir le moins méchamment possible, hein, on va dire. Enfin, c'est du moins l'impression que ça donne. Voilà, alors Poyette nous dit blanc, Martin nous dit noir, nous dit gris. C'est vrai, mais ce qui est certain, c'est que si Poyette n'avait pas balancé les mines qu'il a balancées depuis la reprise, il serait encore en poste. Ça c'est sûr. Ah oui, ça oui. Donc oui, mais c'est important de le rappeler quand même. Oui, moi je veux bien que les dirigeants des gendarmes fassent pas ci, fassent pas ça. Moi, je les défends pas, ça m'est égal. Je dis, mais en regardant les choses de manière objective, tout en remarquant que Poyette a eu les résultats depuis qu'il est là, parce qu'il faut quand même dire les choses aussi. Mm-hmm. Il a qualifié l'équipe pour les qualifs, il a fini 6e alors que c'est pas gagné en janvier, il a franchi les deux tours, il a du résultat. Mais s'il avait pas klaxonné comme il a fait depuis début juillet ou fin juin, on n'entrait pas dans cette situation-là au Girondins. Donc, qu'il se soit manifesté publiquement plusieurs fois de manière véhémente, ça pouvait pas durer. Alors, je dis pas encore une fois qu'il est tort sur le fond, je dis sur la forme, mais comme il est sanguin, il est bouillant, on a l'impression de le découvrir pour Yates, mais il a toujours été comme ça dans tous les clubs où il est passé. À Séville, un jour, il est arrivé en conférence de presse avec un ordinateur pour démontrer aux journalistes qui étaient là par A plus B que l'équipe ne jouait pas de manière défensive avec lui. Et il a passé une heure à s'énerver là-dessus. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, mais qui est bouillant et sanguin. Oui, on le découvre, comme tu dis, comme vous dites, pardon, on a l'impression de le découvrir, mais... Lors des réunions, sur le recrutement, sur la formation qu'il a eue avec les dirigeants, avec les éducateurs depuis qu'il est là, il pouvait passer un quart d'heure sans rien dire, et puis en une minute, s'énerver, argumenter, presque comme un cheveu sur la soupe, et après revenir dans sa torpeur. Voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il écoute, à coup il s'énerve, il revient, il discute, etc. Donc on ne le découvre pas, Poyette. Et les dirigeants bordelais, j'ai l'impression qu'ils l'ont découvert. Humainement, ce mec-là est capable de dire ouvertement ce qu'il pense, ce qu'il a fait, de manière assez sèche et virulente, parce qu'il, quelque part, il a pas de titre et il s'en fout, c'est pas son problème. Mais ce qui est certain, c'est que s'il n'avait pas ouverte comme ça sa bouche, il serait encore en poste. Peut-être qu'il aurait eu les recrues qu'il voulait, je ne sais pas, mais c'est quand même lui qui a provoqué cette issue. Il a encore dit le week-end dernier contre Strasbourg. Il y a 15 jours, il s'est fait encore appeler à l'ordre par le Taverneau, etc. Je pense qu'il est déjà passé très près, il y a 15 jours, 3 semaines, d'être mis à pied, en tout cas viré. On va appeler ça plutôt viré, on va arrêter de dire mis à pied. Il est passé très près une première fois. Là, c'était la fois de trop. Voilà. Donc, il y en a quand même un entraîneur qui, au bout de 6 mois, quand il est là, détruit complètement un club. Nicolas, moi, il y a une question sur le chat. Est-ce que tu as des infos sur le futur entraîneur? Alors, le profil, on le connaît, hein, c'est francophone de préférence, expérimenté, qui connaît la Ligue 1, pas forcément. Laurent Blanc Ouais, mais je suis pas sûr que ça l'intéresse, Laurent Blanc, de revenir à Bordeaux. Il habite à côté. Ouais, oui, d'accord. Oui, il est pas loin, au Bousca. Oui, puis, mais, des infos surtout, qu'on a eues, c'est qu'il est quand même intéressé par ce qui se passe depuis qu'il y a le Raja. Ouais, mais Laurent Blanc, rappelez-vous, quand il est arrivé à Bordeaux, il avait klaxonné parce qu'il n'y avait pas de recrues, et Amdiara est arrivé. Je pense pas que Laurent Blanc revienne dans un club... avec l'effectif actuel, c'est un recrue d'envergure, ça c'est pas possible. Et un recrue d'envergure, quand les Américains seront propriétaires du club, ils pourront pas les recruter, ça sera pas avant janvier. Donc, que Bordeaux pense à quelqu'un comme Blanc, oui, que ça soit réciproque, je pense que Blanc a plutôt des visées de club d'un niveau bien supérieur à Bordeaux, même si c'est vrai qu'il est au chômage et qu'il a rien. Les noms qui circulent, vous avez entendu parler comme moi, Thierry Henry, etc. Le profil plaît, il est francophone, il est expérimenté, médiatiquement il est connu. Encore une fois, je suis pas sûr que l'intérêt soit réciproque. Après, qui va décider, pour clore, à mon avis, un débat que j'entends depuis déjà 2 jours, ce n'est pas les Américains qui vont décider. Qu'ils soient consultés, oui, mais c'est M6. Le seul décisionnaire de ce club aujourd'hui, c'est le propriétaire. Le seul propriétaire, c'est M6. Et donc, De Taverneau. Hier soir, c'est De Taverneau qui a coupé la tête de Poyette. C'est pas d'Agrosa, c'est De Taverneau. Donc, aujourd'hui, et jusqu'à l'éventuelle vente, parce que je souligne bien le mot éventuel, c'est M6 qui est décisionnaire de la politique sportive de ce club. Oui, parce qu'on... Pardon, vas-y. Non, donc je veux dire, c'est De Taverneau avec Stéphane Martin, qui est quand même pas non plus n'importe qui peut être un super directeur général, en tout cas du club, peut-être plus comme président, comme comité trio, mais en tout cas il a aussi son mot à dire, etc., etc. Mais c'est De Taverneau qui va dire, lui sera l'entraîneur des Girondins. C'est pas d'Agrosa et c'est pas les actionnaires autres new-yorkais ou le fonds d'investissement de londonien qui s'est mis dans le tour de table. Donc ça, c'est pas eux qui vont décider. Donc les rumeurs qu'on a pu entendre à l'époque sur oui, Poyette il arrive parce que les Américains, c'est lui qui l'ont placé, nanana, c'était plus ou moins du... Non, c'était vrai. Alors en fait, là aussi, Là aussi, moi, d'après les infos que j'ai, mais je suis pas toujours, enfin, pas du tout dans le secret des dieux, je veux dire, mais on a quelques infos. Les Américains, quand ils ont négocié, en tout cas, D'Agrosa, quand ils ont négocié avec Taverneau, eux souhaitaient, en tout cas, avaient dit, si on vient au club, nous, on aura un entraîneur sud-américain, notamment parce qu'ils ont un des fonds d'investissement du Tour de Table a des intérêts importants en Amérique latine, dans le sport et pas simplement. Mais en aucun cas, ils ont dit, on veut Gustavo Poyet. On veut un technicien sud-américain, c'est pas pareil. Sauf qu'il s'est trouvé qu'à l'époque, quand le poste de Bordeaux a été libre, qui est dans les candidats entraîneurs sud-américains qui étaient libres, une des personnes qui travaillait D'Agrosa, c'est-à-dire un agent de joueur, Bardella, vous pas le nommer, a sorti de sa poche le nom de Poyet. Voilà. Mais ce n'est pas l'homme de D'Agrosa. C'est plus compliqué que ça. C'est eux, ils voulaient un sud-américain, mais pas forcément Poyet. Il se trouve que Poyet étant uruguayen, ils ont dit OK. Et après, de Taverneau, pour faire plaisir, pour faciliter les rapports, parce qu'il tient avant les Girondins depuis quand même 2 ans, a dit, bah, tiens, on va sortir Poyet, et voilà. Poyet va entraîner Bordeaux. Il a un CV, il a entraîné quelques équipes, il a joué à bon niveau, il a la personnalité, il va remuer tout ça après Gorenec, qui était plus calme, plus posé. Voilà, Poyet. Ce qui est arrivé, il a remué effectivement un petit peu exactement, tout, il a repris exactement. Un peu le vestiaire, ça s'est bien passé sur la fin de, oui. sur la période où il était et là. Et il a quand même eu des résultats. Et là, ça par contre, c'est alors après, les gens penseront ce qu'ils veulent de Poyet, mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est le bilan qui est le sien. Voilà, il a repris oui, tout, on n'était pas bien. Après, on peut reprocher son manque de continuité, son manque de cohérence tactique, ses changements perpétuels. Bon, voilà, lui, il a le groupe au quotidien, il le voit mieux que nous. Mais c'est vrai qu'il a eu les résultats. Alors, en fin de saison, on va dire, parce que les autres sont écroulés peut-être, en tout cas, Bordeaux a fini en boulet de canon, ils ont fini 6e, et pour l'instant, même contre des équipes d'un niveau très moyen, ils ont fait le boulot. Donc, sur le plan des résultats, c'est sûr, Poyet, il n'y a pas grand-chose à tenir. Sur la manière, sur l'homme, sur sa volonté d'introduire ses agents dans le club pour faire ses transferts... Bon, au bout d'un moment, voilà, je veux dire, il faut que ça sorte aussi, quoi. Ils font tous un peu ça, mais là, ça commence à être un peu important. C'est-à-dire tous les joueurs qui n'étaient pas souhaités par Poyet, alors qu'il avait d'autres joueurs via son cercle d'agents, ça passait pas. Donc au bout d'un moment, il faut que ça aille au clash, quoi. Oui, Cyril. Non, mais voilà. Non, je crois que tu voulais. Non, on devait finir à 23h30, il est 23h31. Parfait. Après voilà, je veux dire, les Américains aujourd'hui on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi. Eux ils savent très bien ce qu'ils veulent faire de ce club. Ils savent très bien aussi que pour l'instant ils ne sont pas propriétaires de ce club. Parce que pas au jour d'aujourd'hui, comme disait un ancien champion du monde, mais à celui d'hier plutôt, il n'avait toujours pas apporté la garantie pour le loyer annuel du stade sur 27 ans à venir. Mm-hmm. Donc ça manque aujourd'hui. Ça manque toujours, oui, c'est vrai que Et ça doit arriver d'ici mi-septembre. Hein. Pour que ça soit entériné ou pas par le conseil de la métropole bordelaise le 28 septembre. Donc en gros d'ici un aujourd'hui, ouais, donc oui, grand maximum. Aujourd'hui, ils sont toujours pas garants des 3 858 000 euros que s'engage avait fait le propriétaire des Girondins sur les 27 prochaines chaque années. Chaque année, oui, c'est ça. C'est sur les 27 prochaines années. C'est presque 100 millions d'euros. C'est presque 100 millions sur. Ça, pour l'instant, ils ne sont pas garants, toujours pas garants de cet argent-là. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, éventuel repreneur, les négociations exclusives, on l'a vu avec d'autres clubs, ne veulent pas dire. Que ça va se transformer forcément mais, en vente. Mais vous n'êtes pas le premier ce soir à nous dire donc, éventuel. Oui, c'est bien parti, parce qu'il y a eu l'Assemblée Générale des salariés, la première étape juridique a été mise en place la semaine dernière par D'Agrosa, etc. Enfin, ils l'ont fait, voyant, avec de Taverneau. Mais il y a ça qui, pour l'instant, est un écueil important. Donc on saura tout ça d'ici à peu près un mois. Oui, grand maximum. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils ne peuvent pas se porter, ne portent pas garant de cette somme-là tous les ans, le conseil de métropole bordelaise va dire non. Ils vont les recoller, donc ils ne seront pas... Pour l'instant, après c'est l'été, on le sait, c'est l'été, la Terre s'arrête de tourner, d'accord. Et il va falloir que vite, ils montrent qu'ils ont les garanties pour sur ce loyer annuel qui est quand même assez élevé. Quoi. Et puis vu les temps qui courent en un mois, oh là là, allez savoir ce qui peut se passer d'ici là. Oui, mais ça va bouger, parce que Bordeaux, ils sont en train déjà de chercher un entraîneur. Bon voilà, ils vont trouver un autre entraîneur, il va des recrues qui vont arriver. Bon voilà, il faut que ça bouge d'ici 15 jours, hein, même pas. Hein. Il va falloir que ça aille vite. Juste 2 semaines. On me fait une remarque qui est quand même assez intéressante qu'on n'a pas fait sur Poyet. Je me permets juste de te garder quelques minutes de plus. Non, pas de souci. Poyet, alors on va dire, il peut avoir raison ou tort, il peut être au courant ou pas pour la bande. Je vais partir du principe qu'il n'est pas au courant. Il se retrouve donc à midi à domicile avec un joueur en moins. Et un seul attaquant valide. Pourquoi il n'a pas pris un joueur de CFA pour compléter le groupe? Parce qu'il a plusieurs joueurs d'inscrits, forcément, il doit inscrire une vingtaine de joueurs, etc. 25. Donc il a forcément des jeunes en plus à inscrire, donc il a forcément un attaquant de la réserve qui est inscrit, surtout quand tu fais une compétition avec juste 2 attaquants. Pourquoi il ne va pas en prendre un? Pourquoi? Il sait très bien en faisant ça que ça va parler. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il a c'était prémédité, il voulait aller au clash et se servir de cet exemple, de cet épisode de la Borne pour aller au clash de manière définitive, pour régler ses comptes publiquement de manière définitive. La Borne, quand il est allé au Wayan chercher ses affaires mercredi, il a croisé Costi, il a croisé d'autres joueurs et il leur a dit à tous qu'il partait à Montpellier. Je peux pas croire qu'un entraîneur ne sait pas que son joueur quitte le club, surtout la Borne, en plus qu'il n'y a quand même pas trop de gens à faire ça dans le douce. Donc c'est pour ça que j'ai la thèse de je l'ai fait exprès, bah oui, évidemment. Et c'est, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'a pas pris de jeunes, exprès aussi pour montrer, regardez, il n'y a que 17 joueurs sur la feuille. Pourquoi? Parce que la Borne, on ne m'a pas dit qu'il partait. C'est une honte. Donc évidemment que s'il a provoqué le clash. Voilà. Qui s'est déroulé. C'est-à-dire en ne prenant pas un jeune joueur qu'il aurait très bien pu prendre, en faisant croire que la Borne n'était pas au courant qu'il allait partir là pour ce match-là. Bon, voilà, je pense qu'il a. Personne n'est dupe, quand même. Après, tu penses réellement que le coach qui va remplacer Poyet va pas être choisi en concertation avec les Américains? Parce que quand même, Poyet, il vient parce que c'est ce que veulent les Américains. Ouais. Donc il y a quand même fort à parier que le prochain coach qui va venir, il va venir parce que les Américains vont être là. Sinon, il va avoir un contrat d'un an. Et si les Américains n'achètent pas le club, il se passe quoi? Tu peux mettre une clause au contrat aussi. Peut-être que d'un an. Ils seront, qu'ils soient consultés, oui. Évidemment. Qu'ils aient le pouvoir de décision. Non, le pouvoir de décision, non, mais je me mets à la place de Nico Aterno. Le coach que je prends, c'est ceux que veulent les. Moi, je suis à la place d'Aterno, je suis plus là. J'arrive pas à croire qu'ils soient en discussion avec les Américains depuis quasiment décembre. Ça, ils n'ont pas eu de. Non, depuis plus longtemps que ça. Même plus que ça. C'est bon, je pense que financièrement, ça doit être bouclé. Ou alors, on est vraiment dans l'amateurisme et même côté américain. Et à ce moment-là, je suis même content qu'ils ne viennent pas. Parce que quand on sait que. Non, mais à la base, il n'a pas l'argent, lui. À la base, Dagroza. Oui, mais il est quand même sondé par un mec qui apporte comme garantie, c'est le mec qui possède les Galaxies, qui concerne les Cubs, j'arrive pas à dire son nom, donc j'ai arrêté, j'ai abandonné, d'investissement. Il y a aussi un fonds d'investissement qui est basé à Londres, dont personne n'a entendu parler. Personne. Ouais. Mais c'est ça. Qui est aussi dans le tour de table. Donc, il a été long à le constituer. Ce qui est sûr qu'aujourd'hui, évidemment que de Taverneau va pas dire j'ai rien contre lui, mais je prends Roland Courbis, par exemple. Oui. Les Américains vont dire c'est qui. Évidemment qu'il va leur dire nous on a choisi ça, mais ce qui est sûr c'est que c'est lui qui va décider. Mais peut-être qu'il n'y aura pas d'énormes risques financiers. Voilà. J'espère surtout qu'ils auront un candidat qui tient la route, quoi. Parce que mine de rien, depuis 8 mois, ça fait quand même deux entraîneurs qui giclent à Bordeaux. Qui sont renvoyés, éjectés, ça commence à faire beaucoup quand même dans ce club qui était longtemps était stable, etc. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais après, sur Poyet, on va parler d'un renvoi vu que c'est la procédure qui est faite. Il y a de fortes chances, oui. Mais c'est presque une démission. C'est presque une démission. C'est lui qui se suicide. Oui, mais c'est lui qui se suicide. Ça veut dire qu'il sait, il veut juste pas démissionner parce que derrière, il perdrait de l'argent. Je sais. Mais il veut se faire virer et il se suicide derrière. Vu que peut démissionner. Mais de l'argent, je suis pas sûr qu'il en touche, hein, parce que ce qu'il a fait hier soir sur un plan juridique, c'est considéré comme une faute grave. C'est pour ça qu'il a peut-être mal calculé son coût. De dézinguer ouvertement et publiquement son employeur, c'est considéré comme du dénigrement et c'est une faute grave dans le droit français. Donc, je suis pas sûr qu'il touche un euro. Dans l'absolu, il s'en fout, je pense. C'est quelqu'un qui est tellement bouillant, tellement sanguin. Quand ça le gonfle. Lui, il calcule pas ce genre de choses. Hein. Non, mais après les conséquences, il les connaît. Mais il avait tellement marre qu'il s'est dit je vais me servir de la Borne pour aller au clash de manière définitive. J'en ai plein le cul. Voilà. Pardonnez-moi, j'en ai marre. Et peu importe ce qui va se passer derrière. Exactement. Parce que lui, il reste 8 mois de contrat. Il sait très bien que dans tous les cas, il n'aurait jamais prolongé à Bordeaux. Enfin, il reste plus de 8 mois, il reste 10 mois. Il n'aurait jamais prolongé à Bordeaux. Donc au pire, voilà, c'était en fin de contrat en juin, même peut-être plus tôt, si les résultats n'étaient pas là. Donc je veux dire, il n'a pas pris beaucoup de risques par rapport à sa carrière. Puis il fonctionne pas comme ça. Lui. Et puis il tente le coup si le club derrière dit ouais ok toi il tente le pas coup après aussi ce qui s'est passé hier soir pas après ce qui les propos qu'il a tenus, c'est pas possible dire que les dirigeants manquent de colonels, ça c'est pas possible. C'est publiquement c'est pas possible. Ah oui, parce que s'il est pas démissionné, déjà le Martin passe pour le guignol de service, mais on est dans l'amateurisme numéro 2, version 2, c'est-à-dire après ça il ne peut pas ne pas être envoyé. Mais quand Poyet... Mais il est obligé de l'envoyer, il est obligé. Oui. Même si lui, de toute façon, déjà au club, personne ne voulait voulait le garder. Mais enfin, hier soir, je veux dire, quand Martin il a pris connaissance des propos et de Taverneau aussi, il était fou. Oui. Surpris d'abord, et fou. Et à 2h du matin, de Taverneau, il a dit c'est bon, maintenant terminé, quoi. Mais voilà, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. Oui, il n'y avait pas d'autre choix. Mais Poyet savait encore une fois, même si c'est un sanguin, même si c'est un bouillon, il savait très bien ce qu'il allait provoquer derrière. Pour lui, le point de non-retour, il avait été atteint quand Bordeaux a pas recruté les joueurs qu'il voulait, et quand il n'avait pas d'adjoint, quand Fernando est parti pour raison familiale, d'accord, quand il n'y a pas eu d'autre adjoint qui est arrivé, quand il n'a pas vu arriver les mecs qu'il voulait parce qu'ils coûtaient trop cher. Pour lui, c'est l'accumul. Quand il a vu arriver Jimmy Briand, voilà. Voilà, ça aussi, ça a été un problème pour lui, et etc., etc. Du coup, je me dis le départ de Fernando pour maintenant que tu le dis, Nicolas, le départ de Fernando pour raison familiale, c'est vrai. Totalement. Moi, je me pose la question parce que, encore une fois, je ne connais pas la vie plus que ça de Fernando, sa vie privée, ses éventuels problèmes de famille. Je dis juste que quand il était revenu à Bordeaux, je l'avais vu, et lui, sa femme et ses enfants étaient mais dingues de joie à l'idée de revenir à Bordeaux. Donc, 6 mois plus tard, qu'il ait 4-5 mois plus tard. Il est resté que dalle, oui. Ouais, qu'il ait des problèmes familiaux qui l'obligent de rentrer au Brésil. Bon, pourquoi pas. Mais si j'étais mauvaise langue, je pourrais penser que Fernando n'avait aucune attribution à part celle de ramener les clous et d'installer les clous. Ça lui a pas plu et il a préféré partir. C'est vrai voilà, on peut aussi penser ça. On peut pas, en tout cas, on peut pas empêcher de le penser. Mais quand même, son rôle sûr. Était tellement réduit que ça s'attendait pas à ça et que ça l'a pas amusé au-delà de 5 mois. Mais finalement, on a eu ce qu'on attendait quand Poyet a signé. On a dit il fera 6 mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mois qui arrive va être riche en rebondissements. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir à cette heure tardive pris un peu de temps pour discuter avec nous. Merci, non, ça Nicolas. M'a fait digérer, c'est bien. Et puis, et puis voilà, un retour de vacances. On va te retrouver sur France 3. Aquitaine dès lundi, voilà. À fond, avec beaucoup d'actu sur les Girondins, c'est très bien. Ah là, oui, là, c'est plein malin. Et puis, t'es le bienvenu quand tu veux en studio. Ouais, non, il faut vraiment que je avec vienne. Avec plaisir. C'est au téléphone, mais il faut vraiment que je vienne pour prendre la saison. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Bonne soirée. Salut. Ciao.